vite. Pas peur prendre des risques, à risque. Les jaloux, j'évite, vite. Trace ta route et vite, vite. Hey, j'dois tout péter, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. With my United, pas le choix. J'ai pas le choix. I'm the only girl you know. Making fire where I go. There ain't no stopping me, amigo. J'suis déjà un astre ego. Na ruki, na juki, main tumhari pahunch se bahut aage hoon. Nervous moy, si yo quiero, yo consigo. Silas am noy, si yo quiero, yo consigo. Nimshe sawa, if I want it, gonna get it. Eat it, eat. If I want it, gonna get it. पहुंच से बहुत आगे हूं.